Je suis mort de la grippe. Le virus m'a fait tomber. Pour moi, ce monde animé a cessé d'exister. Voilà, je suis décédé. Je ne serai plus jamais heureux. Moi qui étais caporal chef. Fini ma belle et sa quête du point G. Et les glaces, chocolat, pistache. Je suis mort de la grippe. Sur ma tombe gravé CJ. Et il fera plus jamais caca. Et il n'aura plus besoin d'elle. Elle qui m'aime. Mais je pars sans haine. Je suis mort de la grippe. Non, elle ne m'a pas loupé. Pas vacciné, je l'ai eu dans le... Cette traître ARN délétère. Si j'avais été Rudolf Hess, je l'aurais bien mérité. Mais moi, on ne m'en a jamais voulu. Du temps où je vivais, ils sont morts de la grippe W. Qu'ils s'appellent lambda ou X. Malien, birman, swahili, grec. Par millions à crier qu'on les aide. Et qui aime leurs frères, leurs enfants, leurs mères. Ils sont morts du choléra, du palu ou de la dengue. On sait comment éradiquer tout ça, mais on n'en fait pas plus, c'est dingue.